Dans une mosquée, non pas pour la mosquée en elle-même, parce que dans la mosquée on va trouver des musulmans, on va trouver des musulmans qui font la prière, et généralement ces musulmans qui font la prière, ce sont les musulmans qui sont les plus aptes à ne pas faire de péché, d'accord? On va pas prendre des musulmans qui sont en bas d'une cité en train de vendre du shit ou je ne sais pas quoi, d'accord? Donc quand on va demander de faire un mariage dans une mosquée, c'est pas pour la mosquée, c'est pour les gens qu'on va pouvoir réunir, on va pouvoir réunir beaucoup de témoins pour cet acte de mariage. Vous comprenez bien la différence entre ceci. Ceux qui veulent faire le mariage dans la mosquée parce que c'est la mosquée, ils veulent ressembler aux chrétiens et qu'il faut absolument que le mariage soit fait dans une église. Non, pas du tout. Si on demande à le faire dans une mosquée, c'est par rapport aux témoins, au nombre de témoins qu'on peut trouver dans une mosquée. J'espère que j'ai assez bien répondu à la question. J'ai pas dû, j'ai pas au début du cours, donc j'ai entendu le récit sur la guerre des Ridda. Puis ton commentaire, et si j'ai bien compris, tu as dit que les Sabbats ont fait la différence entre celui qui a combattu et celui qui ne l'a pas fait. Chez ceux qui ont fait de la zakat, je veux dire dans le takfir. Ouais, j'ai pas très bien compris. Alors c'est par rapport au. Oui. Abu Bakr Siddiq, ainsi que les Sahaba, comme l'a dit le cher Mohammed, que vous pouvez trouver dans le livre Mufid al-Mustafid. Fi Kufr Tariq al-Tawhid, qui a notamment été traduit par la, je crois, la maison d'édition Al-Bayna, si je me rappelle bien, mon frère Abu Amran, qui d'ailleurs qui l'a acheté, la traduction pas longtemps, comme le dit notamment dans ce livre-là, les Sahaba ne faisaient pas de divergences quand ils ont combattu la grande majorité des Arabes qui sont devenus mécréants après avoir été musulmans, n'ont pas fait la divergence. Même ceux qui ne voulaient pas juste donner la zakat, par contre, ils combattaient. Donc on fait, donc la vie le plus juste, c'est ça. C'est celui qui ne donne pas la zakat et qui combat pour ne pas la donner avec les armes. Il y a un takfir à faire, donc cette personne est un murtad. Mais celui qui ne paye pas la zakat, mais qui ne combat pas, d'accord, il est toujours musulman. C'est-à-dire que par exemple en France, quelqu'un qui ne paye pas sa zakat, il ne combat pas pour pas la donner. Il n'y a pas un calife ou un amir, ou un d'accord, un wilham, quelqu'un qui détient l'or des musulmans, qui va envoyer une armée afin de lui prendre sa zakat, et que lui qui va prendre les armes et qui va refuser. D'accord? Donc ces gens-là ne sont toujours musulmans. Voilà, à savoir que. Voilà. Abu Haroun, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas bien compris les derniers arguments que tu as cités du cher Osemin, pourrait-il revenir assez rapidement. Barakallahu fik. Alors, 10h30. Alors, oui. Assez rapidement. Le cheikh Al-Uthaymeen, il se base pour dire par rapport au c'est tout ça par rapport au premier verset qu'il avait cité. Je le répète, hein, ce verset qui est dans le surat Tauba, la surat du repentir, au verset 11. Et Allah Azzawajal dit ceci. Et après, les versets qui étaient les versets de combattre les mouchikines, d'accord, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Donc Allah Azzawajal dit ceci. Fait in tabou. Donc s'ils se repentent, comme dit l'Orsamin, aminashik, tabou minashik. S'ils se repentent du shidir, qu'ils font 10 la shahada. Wa aqamu salat, et qu'ils accomplissent la prière. Wa ataou zakat, et qu'ils donnent la zakat. Alors qu'est-ce qui en découle de ceci s'ils font ces trois choses? Fa ikhwanukum fid din. Alors ce sont vos frères en religion. Et comme il a dit, ça implique que s'ils ne font pas ces trois choses, ce ne sont pas nos frères. Donc ce ne sont pas nos frères, ce sont toujours des mécréants. Donc pour devenir musulman, il faut finir avec ces trois choses. Ce qui implique que celui qui ne fait pas la prière, eh bien, il n'est pas nos frères, il n'est pas notre frère, donc il n'est pas musulman. Ensuite, il a développé pour prouver, comme le mot ikhwa, ce sont nos frères dans la religion. C'est bien la frère, dans, comment dirais-je, la fraternité religieuse qui est citée. Comme il est dit, notamment dans Allah, il dit dans la religion, il a développé ce point-là pour bien préciser. Comment dirais-je, qui a des péchés ou par lesquels la personne sont toujours frères, comme par rapport, il a cité après les versets qui touchent le musulman qui tue un autre musulman volontairement, sans droit, c'est-à-dire volontairement, c'est-à-dire qu'il va assassiner un autre musulman. Un musulman va assassiner volontairement, d'accord, un autre musulman. Dans le Coran, il est marqué comme quoi il sera en enfer éternel, d'accord, mais comme je l'ai dit, c'est une éternité, mais ce n'est pas l'éternité. Donc ça ira à une fin. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il est marqué comme quoi ils sont frères. D'accord? Et si deux groupes parmi les croyants s'entretuent, excusez-moi, alors réconcilier les deux. Hein. Et le prophète a dit dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari, Waqitaluhu kufr, le fait de le combattre donc, par les armes, qu'est-ce donc le fait de vouloir le tuer, c'est du kufr. Mais là, comme il a dit, c'est du kufr asghar. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, il a toujours appelé le meurtrier frère. D'accord ? Alors que dans le verset où Allah Azzawajal dit que les mouchtikoums, s'ils se repentent, qu'ils font la prière, qu'ils donnent la zakat, alors ce sont vos frères, en religion. D'accord ? C'est par rapport à cette fraternité. Et que dans le verset de Taouba, il est clair et explicite, de la manière apparente, que celui qui fait pas ces trois conditions, il n'est pas notre frère. Il faut qu'il fasse ces trois. Voilà. J'espère que j'ai bien, comment dirais-je, re-expliqué, Inch'Allah. Abu Haroun, assalamu alaikum salam. J'ai bien compris. Ah non, ça j'ai déjà lu. Abdesam 12 a lancé sa webcam. Ouais. Alors je sais pas. Moi j'ai pas de webcam qui vient. Je vais appuyer. Non, il n'y a pas de problème. Repère de sagesse. Assalam alaikum, il y a repère de sagesse. Quel est le statut de celui qui rattrape toutes ses prières le soir? Ah, sans raison valable. Ça touche la prière, mais ça touche pas, comment dirais-je, le problème de qui est ce soir, qui est celui qui ne fait pas la prière, est-ce que c'est un kafir ou pas? Ça, c'est autre chose. Et là, il est déjà 10h35, donc Inch'Allah, peut-être demain ou un autre jour pour répondre à ça. Hein. Et voilà. Et je pas, parce que ça prend un petit peu de temps. Hein. Et c'est pas exactement le sujet de ce soir. Salam alaikum, Clemens 6.7, salam alaikum salam. Pour celui qui prie rien en semaine, mais il prie que sa tajumura. Alors, très bonne question. Eh bien, comme par exemple le Shah Islam Taimiya et pour la Thaymin, il est toujours musulman. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours une prière. Il fait toujours sa prière, mais il a délaissé beaucoup de prières, certes, mais il fait toujours. C'est-à-dire que la prière en elle-même, il ne l'a pas délaissé. Il a délaissé beaucoup de prières. Il est toujours musulman. Par contre, pour d'autres, comme Ibn Mbez, par exemple, c'est un kafir. Et comme je dis, parmi les anciens, Isaac Ibn Hraway, comme on va le citer demain ou après-demain, Inch'Allah. Voilà pour cette réponse. Ah bon, Imran, oui. Reading on my one. Salam alaikum. Allah yahdi ceux qui ne font pas la prière et ce sont des musulmans à la base. Dans tous les cas, qu'Allah les guide. Ensuite, ce sont des musulmans à la base. Alors ça veut un peu, ça veut plus ou moins rien dire, ce sont des musulmans à la base. Avant, si on prend l'avis du Madhab al-Hanbali, c'est-à-dire qu'avant ils étaient musulmans, mais ils sont devenus mécréants par ça. Et si on prend l'avis du Madhab al-Hanafi et Malik et Shafiri, ce sont toujours des musulmans. D'accord ? Et personnellement, je ne suis pas, moi, à astreindre les gens à prendre l'avis que moi j'estime juste. Et je respecte les avis des autres avis, surtout que ce sont des avis de grands savants. Hein. C'est pas moi qui vais aller critiquer les avis de grands savants qui ont l'avis autre que moi je prends. Donc ici, comme moi je vous le dis ici, je prends l'avis notamment de la féminine, mais je ne suis pas là à vous imposer ceci. D'accord ? Mais le bon minage, parce que c'est bien de dire minage en ce moment, le bon minage. La bonne sunna, c'est quoi? C'est que vous devez voir, chacun de nous doit voir, doit faire abstraction de son nefs. C'est-à-dire que si une personne, un frère ou une sœur ici, ou ailleurs, a son nefs qui penche toujours vers la dureté, il va pencher vers quoi? À ce que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir. Il faut qu'il délaisse son nefs. L'inversement, celui qui a un nefs qui est plutôt doux et tout ça, il va pencher vers quoi? Il va dire non, pourquoi je veux dire que c'est des musulmans, c'est le mécréant. Il va pencher à prendre l'avis comme quoi, non, c'est ton doigt musulman. Le musulman fait abstraction de son nefs. Il est musulman, il est soumis. Il ne soumet pas son nefs à Allah. Il ne soumet pas son nefs à la religion. Vous comprenez ça? Excusez-moi, c'est l'inverse. Il est musulman, il est ce qu'il veut dire soumis. Il soumet son nefs à la religion. Il ne soumet pas la religion à son nefs. Il faut faire abstraction de son nefs. Chacun doit voir par lui-même, parmi les arguments, où est l'argument le plus proche du livre et de la sunna et être sincère. Et ne pas laisser son nefs pencher vers le côté le plus dur ou pencher vers le côté le plus doux. Mais il doit prendre la vie sincèrement. Ça, c'est pour notre frère Reading on my one. Jazakallah khairan wa barakallah fik. Allah te bénisse, mon frère. Abdelmalik Abu Asiya. Assalamu alaikum. Repère de sagesse. Jawarat. Bon, là, il y a celui de la prière. Il y a un lien pour ceux qui veulent voir dans que Repère de sagesse a donné. Jazakallah khairan. Abdelmalek Abou Assia, c'est une room de Hadidi. De Hadidi. Ah, il y a un petit comique qui vient. C'est une room, donc nous sommes dans une room de Hadidi. Bah, si vous pouvez nous dire c'est quoi les Hadidi, parce que il serait gentil. D'accord, donne-nous la définition, une bonne définition, mon frère. Donne-nous pas une définition comme ça d'insulte, quelque chose de clair, tu vois. Quand je fais mon cours, je donne des choses claires, je mets les dalits, tout ça. Tu serais gentil de nous dire la définition d'un Hadidi. Tu es gentil. Abdul Malik, qui t'es là? Ben voyons. Allez, va jouer. Voici le livre du cher Othémine en français pour ceux qui souhaitent. Pas de problème, mon frère père de salut. Jazakullah, Abu Haroun. Jazakullah Khan, Harry, c'est exactement ça qu'elle a te récompense. Tu te contredis tout seul. Tu vois, faut pas accuser une personne qui fait pas sa prière un kafir. Attends, là je comprends. Il cite des divergences. Oui, je cite les divergences. J'espère que vous avez compris que j'ai cité les divergences entre grands savants. Hein. C'est-à-dire que dans les quatre écoles, c'est pas n'importe qui ceux qui disaient que c'est un kafir ou pas. Donc celui qui dit que celui qui laisse à mes créants, c'est un kafir, c'est une personne qui n'a pas compris l'islam et il est en train d'insulter Ahmed ibn Hanbal. Et on va voir demain, Inch'Allah, des sahabas comme Omar ibn Khattab et d'autres sahabas. Donc il faut faire attention. Hein. Ceux qui critiquent cet avis, et l'inversement, hein, ceux qui vont insulter. Ceux qui vont insulter, ceux qui prennent la vie comme quoi celui qui délaisse la prière, ce n'est pas un mécréant, mais toujours musulman, ils vont insulter, en fait, contre l'insulte, va toucher tous les grands savants qui ont décrété comme quoi il est toujours musulman. Attention à ça, comme je l'ai dit au début, il y a divergence entre savants et pas n'importe lesquels. Hein. Ceux qui sont bien avant, on respecte, il y a un respect à avoir ici. Oui, c'est un jeu de mots, jeu. Écoute, un kafir, c'est celui qui n'a jamais été musulman, il y a gens de oh là, oui, c'est clair. Moi, je dirais, Allah Yahdi, tous les musulmans qui lâchent des fois leur prière. Amin. Exact. Abou Bakr 8. Micro, please. Oui, alors. Ah oui, pardon, excuse-moi, Abou Bakr, j'ai pas vu que tu avais levé la main. Alors, je vais te donner le micro, Inch'Allah. Alors, je suis en train de chercher comment on fait, parce que, excuse-moi, je suis pas. Voilà, normalement tu devrais pouvoir prendre le micro. Abou Bakr 8, essaye de prendre le micro. J'ai laissé le micro libre. Normalement tu devrais pouvoir le prendre, je pense, Inch'Allah. Ou s'il faut que je fasse une manip, je vois pas quoi faire. Laissez la main. Il compare ce truc. Il compare ce truc. On t'entend, Abou Bakr, t'as fait de donne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. باركوا فيك يا أخي من فضلك إذا ستر أن تتكلم بفرنسية فتكلم بفرنسية ولا بالعربية لأن هذه الصلاة هي بفرنسية ومعظم الإخوة الأخوات لا يفهمون العربية فبارك الله فيك تكلم بالفرنسية تفضل أنا أم ابن صغير لسه ما ربيت أنا ما ربيتش ابني خليوني كبتي ترانكيل. Bon, j'ai pas. Abou Bakr 8, apparemment c'est peut-être la maman qui est venue prendre le micro. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Alors, Reading on My One, je crois que mon frère, t'as pas compris exactement. Hein. C'est pas moi qui invente ça, c'est Al-Rufaymin. Avant Al-Rufaymin, ce sont beaucoup de savants, comme le Shah Islam Ibn Taymiyyah. Et avant, ce sont les savants du Mazhab al-Hanbali. T'es en train, à mon avis, de dire des choses qui doivent te dépasser. Ok. Robert de sagesse, Akhi Abou Abdullah, ferme la room, ça devient n'importe quoi. Oui, si par contre il y a des intervenants qui, comment dirais-je, ne veulent pas comprendre qu'il y a divergence entre savants dans l'islam et depuis des siècles et des siècles, c'est pas ces savants dans notre époque, depuis des siècles, hein, depuis même l'époque des tabérines, et qui dit non, il faut prendre cet avis et pas.